Une pluie l'hiver qui tombe sur un sol très froid et qui gèle à son contact. Mais il arrive aussi qu'en tombant, la pluie traverse des zones très froides et en touchant le sol devienne de la glace, même si la température du sol et de l'air ambiant est un peu au-dessus de zéro. Dans ces deux cas, cela forme une couche épaisse de glace qui ressemble à une patinoire. Ce panneau annonce que la zone est fréquemment concernée par la formation de verglas, donc que je dois ralentir, même si la température est de 1 ou 2 degrés, car on n'est jamais sûr de ce que l'on va trouver. Réponse B.